413 observation, agreement in gender. Le jeune homme va être anglais. La jeune fille va être anglaise. Un étudiant brésilien. Une étudiante brésilienne. Adjectives and articles accompanying a noun reflect its gender. In spelling, feminine nouns and adjectives usually end with E.